Un beau matin, sa grand-mère tomba malade. La maman du petit chaperon rouge prépara un panier de bonnes choses et dit à sa fille « Ta grand-mère est malade et ne peut bouger de son lit. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre et passe le reste de la journée avec elle. » Sa grand-mère habitait assez loin, dans un autre village. Pour se rendre chez elle, il fallait traverser la forêt. La route était semée de surprises et d'embûches. Avant de partir, la maman du petit chaperon rouge lui fit donc quelques dernières recommandations. « Sois bien sage en chemin, ne parle à personne et surtout, n'oublie pas de rentrer avant la tombée de la nuit !» Le petit chaperon rouge promit de bien faire attention et agita gaiement sa main. Le cœur léger, elle s'en alla. Elle trottinait sur le chemin tout en regardant les fleurs et les oiseaux des sous-bois. « Mère Grand serait sûrement ravie que je lui apporte aussi un joli bouquet de fleurs !» pensa la petite fille, oubliant les conseils de sa maman. Et tandis qu'elle posait son panier pour cueillir quelques fleurs,